Chippa top, chippin' baba, spettin' club, Mr. Chula, fake bengus, choclé tout sans l'agré goose, c'est bizarre, mec, chat chippa, ou on va qui s'en fait, on se régale, au dégain, mais j'ai personne, rentre chez toi et fais les feux de l'église. Demande à bengus, j'croyais que t'avais bon, elle t'a mis un pouce. Tu fais le fan, tu pisses tout. Tu vois la beluga de Moscou. Pourquoi tu fais le coteau? Tu pourrais finir à l'hosto. Quand toi tu rigoles, ça écoute en gueule, en boîte en tol. Quand ça braque la balle, quand tu es tout seul ou que ça fume un peu, poser avec ta balle. Ça falle, tu craques même si la route est voilée. En T-Max ou en quad, en survêt dans ta soirée. Même si la route est voilée, un T-Max ou un quad, on surveille bien ta soirée. Fais la gâche, j'ai pas top, j'ai plein de baba, j'pète une clope, Mister Tula, fake bengus, choqué tout sur la grégousse. J'ai bizarre, mec, cherchez pas, ou on va qui s'en fait, on se régale. Au dégain, non, mais j'ai personne, rentre chez toi et fais des fonds les zones. La potion dans la taille que j'roule en zone. J'ai claqué deux verres comme la veille, pour toutes les zones. C'est pour toutes les zones. J'étais au Pinel dans la mêlée. Plus longtemps, je me retrouve vers les mille. Le rond-point de l'escale par examiné. Toi, c'est ton plan, mais lui, il aime que j'ai mis. Évidemment, je lève le TDM. Et c'est que t'as gagné. Quand elle me voit passer, y'a écrit Joule derrière le maillot de l'OM. Évidemment, je lève le TDM. Et c'est que t'as gagné. Quand elle me voit passer, y'a écrit Joule derrière le maillot de l'OM. Fais la gâche, j'ai pas top, j'ai plein de baba, j'pète une clope, Mister Tula, fake bengus, choclé tout sur la grégousse. J'ai bizarre, mec, chargé pâle, ou on va qui s'en fait, on se régale. Au dégain, non, mais j'ai personne, rentre chez toi et téléphone qui sonne. Ouais, tu l'attendais, c'est là, gros. Du là. Featuring Bengus. Qu'est-ce qu'il y a, gros? Eh, y'a pas un pour faire deux, mon bar. Qu'est-ce qu'il y a, marque mal, là, pas? Hein? Pas bien? J'ai pas de cas, là? Au fada! Tout ça, gros! Ça fait! Ce que c'est! Ça fait! Tout ça! Tu es là! Où est-ce que tu es? Tu bébé! Ah bah j'ai compris mon bébé. Eh ouais, c'est la night. J'ai chauffé. Oh, au concert. Ouais, la cuisine. La fois que tu en peux plus mon bébé. Eh ça va, c'est la régale. C'est avec quoi boire, on est là. On est comme toi. Qu'est-ce qu'on fait? On boit pas un coup mon bébé. Hein? Eh ouais mon bébé. Sur ce, je t'embrasse. Allez, je m'a gonflé à l'église. Non, non.